Écoute, c'est la tristesse de ma plume. Ma plume est blindée d'amertume. J'ai le seum, j'ai l'impression que je recule. Mon cœur est rempli de blessures. De plus, à chaque épreuve faut que j'assure, je te le jure. Ce qui se cache derrière ma capuche, une rage qui pourrait te faire croire que j'ai un galouche. D'ailleurs, je sais pourquoi c'est haut, je suis jeune d'ailleurs. Je marche, on me regarde avec frayeur. Je comprends pas, ma haine on la voit pas. Ma mère on la paye pas, mes amis leur plaît pas. Je n'ai rien fait à personne, on me visionne en tant que suspect. Moi je demande juste la paix, après faites ce qu'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Dans ma mélancolie aussi triste que cette belle mélodie, elle m'emporte loin vers un horizon lointain. J'ai la boule, ferme les yeux et la lumière s'éteint. Laissez-moi seul avec la tristesse de ma plume. Y'a qu'elle que je retrouve dans mes moments de solitude. Laissez-moi seul avec la tristesse de ma plume. Tristesse de ma plume. Laissez-moi seul avec la tristesse de ma plume. Y'a qu'elle que je retrouve dans mes moments de solitude. Laissez-moi seul avec la tristesse de ma plume. Tristesse de ma plume. Mon crâne est à deux doigts d'exploser. J'ai aucune épaule sur laquelle je peux me reposer. Je calme mes douleurs, la tête sous l'oreiller. Comme un solitaire, j'ai besoin de personne, j'ai le cœur brisé. Bon, mauvaise nouvelle, plus rien me fait plaisir. Plus de goût à la bouche, depuis que mes rêves ont moisi. Ma tristesse, ma plume, voilà tout ce qui me reste. Je suis paumé, comme la plupart de la jeunesse. Mon avenir se construit dans le brouillard. C'est à moi de le faire, en mode débrouillard. 19 palais, il est temps que je me réveille. Aucun diplôme, pas de projet, la société me rejette. Je regrette rien, mon passé c'est mon passé. En cours je m'ennuyais, donc je me suis cassé. Je t'incite pas, arrêtez les cours, suivre mon parcours. Si tu le prends comme ça, arrête d'écouter mes discours. Laissez-moi seul, avec la tristesse de ma plume. Y'a qu'elle que je retrouve dans mes moments de solitude. Laissez-moi seul, avec la tristesse de ma plume. Tristesse de ma plume. Laissez-moi seul avec la tristesse de ma plume. Y'a qu'elle que je retrouve dans mes moments de solitude. Laissez-moi seul avec la tristesse de ma plume. Tristesse de ma plume. Pendant des heures, je reste enfermé dans ma chambre, assis sur une chaise, le regard vers le ciel. En rêveur, je me vois battre des ailes, m'en aller, partir à la recherche d'une nouvelle ère. Faut que je respire, je m'essouffle, plus rien ne m'attire. Si je m'étouffe, à part Dieu qui pourra me secourir. Je demande pardon au tout puissant pour tous mes péchés. Je suis pas dans le bon chemin, j'ai intérêt de me dépêcher. Mes haines et nettes sont en disparition. Au lieu que je m'inquiète, je ramène le halam à chaque action. Ma haine a dépassé les limites que je me fixais. Ma migraine empire de jour en jour à la vue des HLM. Malgré tout, je vais pas me mettre à verser des larmes. Ça me servirait à rien, vaut mieux que je garde mon calme. Toujours hamdoulay, le regard en l'air. Même si t'as pas toujours eu ce que tu voulais. Laissez-moi seul avec la tristesse de ma plume. Y'a qu'elle que je retrouve dans mes moments de solitude. Laissez-moi seul avec la tristesse de ma plume. Tristesse de ma plume. Laissez-moi seul avec la tristesse de ma plume. Y'a qu'elle que je retrouve dans mes moments de solitude. Laissez-moi seul avec la tristesse de ma plume. Tristesse de ma plume. Laissez-moi seul, laissez-moi seul.